Chapitre 9. C'était vraiment en somme ce que j'avais dit à Mrs. Groves. Il y avait dans cette affaire des abîmes, des possibilités que je n'avais pas le courage de sonder, de sorte que, lorsqu'une fois de plus, après que nous fûmes unis dans ce sentiment de stupeur que nous inspirait toute l'aventure, nous reconnûmes d'un commun accord qu'il était de notre devoir de résister aux fantaisies extravagantes d'imagination. Il fallait au moins garder son sang-froid, si tout le reste nous échappait, bien que cela fût difficile devant ce qui, dans cette prodigieuse aventure, semblait le moins discutable. Tard dans la soirée, alors que tout le monde était plongé dans le sommeil, nous causâmes de nouveau dans ma chambre, et elle alla jusqu'à reconnaître sans doute aucun que j'avais vu, réellement vu, ce que j'avais vu. Pour l'en convaincre formellement, je n'avais qu'à lui demander comment, si j'avais inventé l'histoire, il m'avait été possible de faire de chacune des personnes qui m'étaient apparues un portrait révélant dans les moindres détails les signes particuliers, portraits à l'exhibition desquels elle les avait instantanément reconnus et nommés. Elle désirait naturellement, on ne pouvait le lui reprocher, étouffer toute l'histoire, et je me hâtais de l'assurer que l'intérêt que j'y portais moi-même avait pris maintenant la forme de la recherche ardente d'un moyen pour y échapper. Je me rangeai cordialement à son opinion que vraisemblablement, les visions se répétant, et nous étions certaines qu'elles se répéteraient, je m'habituerai au danger, déclarant ouvertement que mon risque était subitement devenu le moindre de mes soucis. C'était mon dernier soupçon qui était intolérable, et cependant, à cette complication même, les dernières heures de la journée avaient apporté un soulagement. En la quittant, après mon premier accès de désespoir, j'étais naturellement retourné auprès de mes élèves, associant le remède propre à guérir mon bouleversement à cette impression de charme qu'il dégageait, impression que j'avais déjà reconnue être une ressource sur laquelle je pouvais compter et qui ne m'avait encore jamais failli. En d'autres termes, je m'étais simplement replongé dans la société particulière de Flora, et alors je m'aperçus, ce fut presque une ivresse, que sa petite main consciente savait se poser sur le point douloureux. Elle m'avait regardé avec une tendre curiosité, puis m'avait accusé, les yeux dans les yeux, d'avoir pleuré. Je supposai que les vilaines tresses de larmes m'étaient effacées, mais dans l'effusion de cette charité infinie, je me réjouis littéralement qu'elles n'eussent pas entièrement disparu. Contempler le bleu profond des yeux de l'enfant et déclarer leur beauté un piège de précoce habileté aurait été se rendre coupable d'un cynisme auquel, naturellement, je préférais sacrifier mon jugement et autant que faire se pouvait mon inquiétude. On ne peut sacrifier son jugement simplement parce qu'on le désire, mais l'on pouvait dire, ainsi que je me le répétais maintes et maintes fois jusqu'à l'aube, qu'avec la voix de nos jeunes amis résonnant dans l'air, leurs petits corps serrés sur le cœur et leurs visages embaumés contre la joue, tout dans l'univers s'évanouissait, tout excepté leur enfance et leur beauté. C'était dommage, je le dis une fois pour toutes, que tout de même, il me fallut faire entrer en ligne de compte les gestes subtils qui, l'après-midi près du lac, avaient rendu miraculeusement ma maîtrise de moi. C'était dommage d'être contrainte d'analyser de nouveau la réalité de ce moment-là et de répéter que je m'étais sentie envahie par la révélation que cette inconcevable communion, surprise par moi, devait être pour toutes deux chose d'habitude. C'était dommage que j'eusse à balbutier de nouveau les raisons qui ne m'avaient pas laissé hésiter un instant à croire que la petite fille voyait notre visiteuse aussi bien que je voyais actuellement Mrs. Groves elle-même et qu'elle désirait, pour autant qu'elle avait cette vision, me faire croire qu'elle ne l'avait pas, et en même temps, sans rien démasquer d'elle-même, arriver à deviner si moi j'avais vu quelque chose. C'était dommage qu'il me fallût récapituler les inquiétantes petites manœuvres avec lesquelles elle avait cherché à divertir mon attention, le très perceptible accroissement de son activité, la plus grande intensité de son jeu, sa chanson, son babillage puéril et son invitation à gambader. C'était dommage, et cependant, si je ne m'étais pas laissé aller à cet examen, dans le but de me prouver qu'il n'y avait rien, j'aurais laissé échapper les deux ou trois vagues motifs de réconfort qui me restaient. Par exemple, je n'aurais pas pu réitérer à mon ami l'assurance que je t'étais certaine au moins de ne pas m'être trahi, ce qui était autant de gagner. Je n'aurais pas, sous l'empire de ma détresse d'esprit, de mon besoin désespéré de savoir, je ne sais vraiment pas comment m'exprimer, je n'aurais pas de nouveau imploré un éclaircissement qu'il ne se pouvait obtenir qu'en mettant ma compagne au pied du mur. Petit à petit, pressée par moi, elle m'en avait déjà dit beaucoup, mais il restait un mauvais petit coin noir dont l'ombre venait encore par moments me frôler comme une aile de chauve-souris. Et je me rappelle comment, saisissant l'occasion, la maison était endormie et la conjonction de notre risque et de notre veille semblait me venir en aide, je sentis toute l'importance qu'il y avait maintenant à soulever le dernier pli du rideau. Je ne crois à rien de si épouvantable, dis-je, je m'en souviens. Non, non, ma chère, que ce soit clairement établi entre nous, je ne le crois pas. Mais si je le croyais, vous savez, il y a quelque chose que j'exigerais de vous, maintenant, et sans vous épargner le moins du monde. Mais non, absolument pas. Pourquoi donc ? À quoi pensiez-vous qu'en pleine d'émotion, à la lecture de la lettre, avant que Miles fût revenu du collège, vous me répondîtes, cédant à mon insistance, que vous ne pourriez pas jurer qu'il ne s'était jamais mal conduit. Il ne s'est jamais mal conduit pendant ces dernières semaines que j'ai passées avec lui, en le surveillant de si près, il n'a été qu'un imperturbable petit prodige de ravissante et adorable sagesse. Donc vous auriez très bien pu me donner votre parole, si vous n'aviez pas, comme il apparaît, su qu'il y avait une exception. Qu'est-ce que cette exception ? Et à quelles circonstances de votre expérience personnelle faisiez-vous allusion ? C'était une question assez directe, mais nous n'étions pas en veine de légèreté. En tout cas, avant que nous ne reçussions de l'aube grise la vie d'avoir à nous séparer, j'avais une réponse. Ce qu'avait pensé ma compagne cadrait étrangement avec le reste de l'aventure. C'était ni plus ni moins le fait que pendant une période de plusieurs mois, Kint et le petit avaient été perpétuellement ensemble. Un incident avait eu lieu qui était le témoignage le plus approprié qu'on pût concevoir. Elle s'était risquée à critiquer la convenance, à signaler l'incongruité d'une intimité pareille, et à ce sujet, elle avait été aussi loin qu'une déclaration explicite à Miss Jessel le lui avait permis. Miss Jessel l'avait pris de très haut, en la priant de se mêler de ses affaires, et la brave femme, là-dessus, avait entrepris directement le petit Miles. Ce qu'elle lui dit, je finis par le lui arracher, fut qu'elle aimait bien voir les jeunes messieurs ne pas oublier leur rang. Après cela, je tins encore davantage à lui arracher la suite. « Vous lui avez rappelé que Kint n'était qu'un vulgaire mercenaire ?»« Si vous voulez, et sa réponse en premier lieu ne fut pas belle. » « Et en second lieu ?» J'attendis. « Il répéta à Kint vos paroles ?»« Non, pas ça. C'est justement ce qu'il n'aurait fait pour rien au monde. Elle tenait à me le faire remarquer. En tout cas, reprit-elle, je suis certaine qu'il ne le répéta pas, mais il nia certaines circonstances. »« Quelles circonstances ?»« Celles où il se comportait comme si Kint était son précepteur, et un précepteur de haute volée, et comme si Miss Jessel n'était chargée que de la petite demoiselle. Je veux dire, quand il s'en allait avec cet individu et passait des heures entières avec lui. Il a éludé votre question ? Il a dit qu'il ne l'avait pas fait ? Son acquiescement fut assez clair pour me permettre d'ajouter un moment après. Je vois, il a menti. « Oh ! » murmura Mrs. Groves. Ce murmure suggérait que la chose importait peu, et elle le fortifia de la remarque suivante. « Voyez-vous, après tout, c'était indifférent à Miss Jessel. Elle ne lui défendait pas. » Je réfléchis. « Vous présenta-t-il cela comme une justification ?» Elle lâcha pied encore une fois. « Non, il ne m'en a jamais parlé. Il ne vous a jamais parlé d'elle par rapport à Kint ?» Elle rougissait visiblement, voyant où je voulais en venir. Enfin, jamais il ne montra qu'il savait quelque chose à ce sujet. Il nia, répéta-t-elle, il nia. Seigneur, comme je la pressais maintenant. Ainsi, vous vous rendiez compte qu'il savait ce qui se passait entre ces deux misérables. « Je ne sais pas, gémit la pauvre femme. « Si vous savez, ma pauvre amie, répliquai-je, seulement vous n'avez pas ma terrible audace d'imagination et vous cachez, par timidité, par pudeur et par délicatesse, jusqu'à cette impression qui, dans le passé, quand toute seule, vous soupçonniez et tâtonniez en silence, vous rendait plus malheureuse que tout le reste. Moi, je finirais bien par vous l'arracher. Il avait donc quelque chose, le petit, continuai-je, qui vous faisait croire qu'il couvrait et dissimulait leurs relations. Oh, il ne pouvait pas empêcher que vous n'appreniez la vérité. Je le pense bien, mais grand Dieu, et ma pensée m'emportait. Comment cela montre ce qu'ils avaient pu arriver à faire de lui? Oh, rien qu'il ne soit redevenu bien aujourd'hui, plaida lugubrement Mrs. Groves. Je ne m'étonne plus de votre air étrange, continuai-je, lorsque je vous parlais de la lettre envoyée par le collège. Je me demande si j'avais l'air aussi étrange que vous. Je me demande si j'avais l'air aussi étrange que vous, rétorqua-t-elle avec une énergie familière. Et s'il était alors aussi mauvais que vous voulez bien le dire, comment se fait-il qu'il soit maintenant un ange? C'est vrai, s'il était un misérable à l'école, comment cela se peut-il? Eh bien, lui dis-je, éperdu, il faudra me le redemander, bien qu'il faille laisser passer quelque temps avant que je puisse vous répondre. Mais redemandez-le-moi, criai-je, de telle façon qu'elle me regarda stupéfaite. Il y a des directions où je ne veux pas m'engager pour le moment. Et je revins aux premiers exemples cités par elle, celui auquel elle venait de faire allusion, la possibilité, rassurante chez notre garçon, de commettre une faute à l'occasion. « Si, Kint, je pense à la remontrance que vous fîtes au moment dont vous parliez, si Kint était un vulgaire mercenaire, je devine que l'une des choses que Miles vous répondit fut que vous en étiez une autre. » Là encore, son acquiescement fut tel que je continuai. « Vous lui avez pardonné cela ? Ne l'auriez-vous pas fait, vous ?» Aussi, et dans la paix nocturne, quelque étrange que pût paraître une telle hilarité, nous ne pûmes nous empêcher de rire. Puis je continuai. En tout cas, pendant qu'il était avec l'homme, Miss Flora avec la femme, et ça leur convenait à tous. Et à moi aussi, cela n'allait que trop bien. J'entends que cela me semblait aller trop bien avec le soupçon mortel que je travaillais justement à étouffer. Mais je réussis à brider l'expression de ma pensée, si bien que pour l'instant, je ne donnerai point d'autre éclaircissement que ma dernière phrase à Mrs. Groves. « Je vous avoue que ce que vous me dites de son mensonge et de son insolence me semble des symptômes moins encourageants que je n'espérais de la révélation en lui de la nature humaine. Tout de même, fis-je rêveuse, j'en tiendrai compte, car plus que jamais, je sens qu'il faut veiller. » L'instant d'après, je me surpris à rougir en voyant, à l'expression du visage de mon ami, combien elle lui avait plus complètement pardonné que son anecdote ne portait ma propre tendresse à le faire. Elle marqua plus particulièrement ce sentiment quand à la porte de la salle d'études elle me quitta. Sûrement, vous ne l'accusez pas. D'entretenir un commerce qu'il me dissimule? Rappelez-vous que jusqu'à nouvel ordre, je n'accuse personne. Et avant de refermer sur la porte, elle se préparait à rejoindre son propre domicile. « Je n'ai qu'à attendre, » prononçai-je en manière de conclusion. Chapitre 10. Et j'attendis. J'attendis, et les jours en passant, emportés un peu de ma consternation. De fait, un très petit nombre de ces jours, pendant lesquels je ne quittais pas mes élèves de vue, et qui furent d'ailleurs dépourvus d'incidents, suffirent pour passer sur les rêveries amères et même sur les odieux souvenirs comme un coup d'éponge. J'ai parlé de la fascination de leur extraordinaire grâce enfantine comme d'un sentiment auquel je me sentais intimement sollicité de m'abandonner, et l'on peut croire si je négligeais d'aller quérir à cette source la baume désirée. Mon effort pour lutter contre la lumière qui se faisait dans mon cerveau était plus étrange que je ne puis dire. Cependant, l'attention eût été plus grande encore si le succès ne l'eût pas si fréquemment récompensé. Je me demandais comment mes petits élèves ne devinaient pas que je pensais d'eux de singulières choses. Le fait que ces singulières choses les rendaient plus intéressants encore ne m'aidait pas à les conserver dans l'ignorance. Je tremblais qu'ils ne s'aperçussent combien plus immensément intéressants ils étaient devenus. En tout cas, même en mettant les choses au pire, ainsi que je n'y étais que trop encline, toute ombre jetée sur leur innocence, pauvres petites créatures prédestinées, ne constituait qu'une nouvelle raison d'aller au-devant des responsabilités. Il y avait des moments où, poussé par une impulsion irrésistible, je ne pouvais m'empêcher de les saisir et de les serrer dans mes bras, et aussitôt je songeais. Que vont-ils penser? Ne me suis-je pas trahi? Discuter jusqu'à quel point je pouvais me livrer ne m'entraînerait-il pas en de tristes et folles complications? La vraie raison, je le sentais, des heures de paix que je goûtais encore, était que le charme personnel de mes petits camarades exerçait son ensorcellement, même s'il était effleuré du soupçon d'hypocrisie. Car s'il ne m'échappait pas que les brèves explosions de ma tendresse pouvaient, à l'occasion, exciter leurs soupçons, je me souviens aussi de m'être demandé s'il n'y avait pas quelque chose de singulier dans le développement indéniable de leurs propres démonstrations. Ils furent pour moi, pendant cette période, d'une tendresse extravagante et anormale. Ce n'était après tout, me disais-je, que la gracieuse réplique d'enfants habitués tant à l'adoration qu'à l'admiration. Cet hommage, dont ils étaient si prodigues, eut le même excellent effet sur ma nervosité que si jamais je ne les eusse, si j'ose dire, pris la main dans le sac. Jamais, je crois, ils ne m'avaient témoigné un tel désir de faire quelque chose pour leur pauvre protectrice. Je veux dire, bien qu'ils eussent de plus en plus de zèle pour leurs leçons, ce qui naturellement lui était le plus sensible des plaisirs, je veux dire, leur ardeur à la distraire, à l'amuser, à lui préparer des surprises. On lui faisait la lecture de certains passages, on lui racontait des histoires, on lui jouait des charades, on sautait sur elle sous divers déguisements, animaux ou personnages historiques, et par-dessus tout, la surprenant par les morceaux secrètement appris par cœur qu'il pouvait réciter interminablement. Je n'arriverai jamais, même si je me laissais emporter par le flot de mes souvenirs, à reproduire le prodigieux commentaire secret dont j'accompagnais à les faire déborder les heures déjà si pleines de notre vie commune. Dès le début, ils avaient montré une facilité, une disposition à tout apprendre, qui, sous une impulsion nouvelle, produisait des fruits remarquables. Ils accomplissaient avec amour leurs tâches enfantines, ils s'amusaient, pour le plaisir d'exercer leurs dons, à de menus miracles de mémoire que je ne leur aurais jamais imposés. Ce n'étaient pas seulement des tigres ou des romains qui surgissaient devant moi, mais des personnages de Shakespeare, des astronomes, des navigateurs. Le cas était tellement particulier qu'il contribua pour beaucoup, sans doute, à me mettre dans un état d'esprit que j'ai peine aujourd'hui à m'expliquer autrement. Je fais ici allusion à la quiétude anormale dans laquelle je laissais dormir la question d'une nouvelle école pour Miles. Tout ce que je me rappelle en effet à ce sujet, c'est que je me contentais pour le moment de laisser cette question de côté et que ce consentement devait naître de l'impression produite en moi par ses preuves perpétuelles et frappantes d'intelligence. Il était trop doué, trop intelligent pour qu'une pauvre petite institutrice, une modeste fille de pasteur pût lui nuire. Et le plus étrange, sinon le plus brillant des fils de la tapisserie mentale dont je viens de parler, était la sensation qui, si j'avais osé l'analyser, se serait ainsi nettement formulée. Il était soumis à une influence qui agissait comme un ferment prodigieux dans sa jeune vie spirituelle. S'il était aisé d'admettre cependant qu'un garçon comme celui-là pût retarder sans inconvénient son entrée dans un collège, il était au moins aussi évident que le fait de flanquer à la porte un garçon comme celui-là constituait un mystère inexplicable. J'ajoute que dans leur société, et j'avais soin maintenant de ne presque jamais les quitter, je ne pouvais suivre longtemps aucune piste. Nous vivions dans un tourbillon de musique, de tendresse, de réussite et de représentation théâtrale. Les dispositions musicales des deux enfants étaient des plus remarquables, mais l'aîné avait tout particulièrement le don merveilleux de se rappeler et de répéter ce qu'il avait entendu. Le piano de la salle d'études résonnait de mille fantastiques improvisations, et à défaut de musique, c'était des conciliabules dans les coins, puis l'un d'eux, au comble de l'animation, disparaissait pour revenir sous un aspect nouveau. J'avais eu moi-même des frères, et ce n'était pas une révélation pour moi que l'esclavage idolâtre des petites filles envers les petits garçons. Ce qui était plus surprenant, c'était qu'il y eut au monde un garçon qui éprouva tant de considération pour un âge, un sexe et une intelligence inférieure. Ils étaient extraordinairement unis, et dire qu'ils ne se plaignaient jamais l'un de l'autre, ni ne se disputaient, n'est que donner une louange bien grossière à leur exquise intimité. Quelquefois, peut-être, quand je me laissais aller à une défiance vulgaire, je découvrais chez eux des traces de petits complots grâce auxquels l'un me tenait occupé pendant que l'autre s'échappait. Dans toute diplomatie, il y a, je suppose, un côté naïf, et si mes élèves se jouaient de moi, c'était sûrement avec le minimum de vilenie, mais alors ce fut dans l'autre région que la vilenie se manifesta. Je vois bien que je m'attarde, mais enfin, il me faut faire mon horrible plongeon. Et poursuivant le récit de ce que je vis de hideux à Blaye, non seulement je mets à l'épreuve les plus généreuses confiances, de cela je me soucie peu, mais, et ceci est autre chose, je renouvelle mon ancienne souffrance. De nouveau, je suis jusqu'au bout la terrible route. Il vint soudainement, une heure après laquelle, quand je regarde en arrière, tout me paraît n'avoir plus été que douleur. Mais me voici enfin au cœur du drame, et pour achever ma tâche, le mieux est sans doute de marcher franchement. Un soir, rien ne vint m'avertir, rien ne me conduisit là. Un soir, de nouveau, je sentis passer sur moi ce souffle glacé du premier soir de mon arrivée. La première sensation avait été beaucoup plus légère, et elle ne m'aurait sans doute laissé aucun souvenir. Mon séjour postérieur n'eût-il pas été si troublé? Je ne m'étais pas couchée, je lisais assise à la lueur de deux bougies. Il y avait à Blaye une chambre entière remplie de vieux livres, parmi lesquels se trouvaient quelques romans du XVIIIe siècle, assez célèbres pour que leur mauvaise réputation ne pût plus être mise en doute. Ils ne l'étaient pas assez cependant pour avoir pénétré, fût sous la forme d'un exemplaire dépareillé, jusqu'à mon foyer écarté. Ils avaient excité en moi une curiosité inavouée et juvénile. Je me souviens que le livre que je tenais était l'Amelia de Fielding, et j'étais tout à fait éveillée. Je me souviens aussi d'avoir eu une vague idée qu'il était horriblement tard et que je ne voulais pas interroger ma montre. Et puis je me représente encore les rideaux blancs enveloppant, à la mode de ce temps-là, la tête du petit lit de Flora, et protégeant ainsi, que je m'en étais déjà assuré, la parfaite tranquillité de son sommeil enfantin. En un mot, je me rappelle qu'en dépit du vif intérêt que je prenais à ma lecture, je me trouvais, comme je venais de tourner une page, avoir perdu subitement le fil de l'histoire, et fixant la porte de ma chambre, les yeux levés de dessus de mon livre. Un instant, je demeurai aux écoutes. Cette vague sensation éprouvée la première nuit, que quelque chose d'indéfinissable remuait dans la maison, me revenait à l'esprit. À travers la fenêtre ouverte, une brise légère agitait doucement le store à demi baissé. Alors, avec toutes les marques d'un sang-froid qui eût été magnifique à constater, si quelqu'un se fût trouvé là pour l'admirer, je posai mon livre, me levai, et prenant un bougeoir, je sortis tout droit de la chambre. Lorsque je fus dans le corridor, dont ma lumière dissipait à peine les ténèbres, je tirai silencieusement la porte à moi et la fermai à clé. Je ne puis actuellement dire à quel mobile j'obéissais, ni quel but je poursuivais, mais je m'avançai tout droit le long du corridor, tenant mon bougeoir élevé jusqu'à ce que j'arrivasse en vue de la haute fenêtre qui dominait le vaste tournant de l'escalier. Alors, tout d'un coup, je me rendis compte de trois choses. Pratiquement parlant, ma perception en fut simultanée, cependant ces éclairs se succédèrent. À la suite d'un brusque mouvement, ma bougie s'était éteinte, et par la fenêtre dépourvue de rideaux, je m'aperçus que la nuit finissait, et que le jour naissant la rendait inutile. Sans elle, un moment après, je savais qu'il y avait une forme humaine dans l'escalier. Je parle de succession d'idées, mais il ne me fallut pas un grand nombre de secondes pour me remettre en état d'affronter une troisième rencontre avec Kint. L'apparition avait atteint le palier du milieu de l'étage, elle était par conséquent à l'endroit le plus proche de la fenêtre. Quant à ma vue, elle s'arrêta net. C'était bien Kint. Il me dévisagea, exactement comme il m'avait dévisagé de haut de la tour et à travers les vitres du rez-de-chaussée. Il me reconnut, de même que je l'avais reconnu, et ainsi nous demeurâmes en face l'un de l'autre, dans l'aube froide et grise, une lueur tombant de la haute fenêtre et une autre qui venait du parquet de chêne luisant, nous fixant l'un l'autre avec la même intensité. À ce moment, il était au sens le plus absolu, une vivante, une détestable, une dangereuse présence. Mais ce n'était pas là la merveille des merveilles. Ce rang éminent, je le réserve à une tout autre constatation. Que la peur, indiscutablement, m'avait quitté, et qu'aucune puissance en moi ne se refusait à le rencontrer et à l'affronter. Après ce moment extraordinaire, j'eus certes bien des angoisses, mais Dieu merci, jamais plus de terreur. Et il savait que je n'en avais point. Au bout d'un instant, j'en possédais la magnifique certitude. Je sentis, avec une confiance ardente et indestructible, que si je pouvais tenir une minute, je cesserais, au moins pour un temps, d'avoir rien à craindre de lui. Et de fait, pendant cette minute, cela fut aussi vivant, aussi atroce qu'une rencontre réelle. Atroce justement parce que c'était naturel, aussi naturel qu'elle pût l'être, à ces heures matinales, dans une maison endormie, la rencontre d'un ennemi, d'un aventurier, d'un criminel. Seul le mortel silence de ce long regard, si proche, que nous fixions l'un sur l'autre, donnait à toute cette horreur, si monstrueuse qu'elle fût, son unique touche de surnaturel. Eussé-je rencontré un assassin à cette heure et en ce lieu, au moins nous saurions-nous parler. Quelque chose de vivant se serait passé entre nous. Si rien ne s'était passé, l'un au moins aurait bougé. Ce moment se prolongea tellement qu'il s'en fallait de peu que je ne me misse à douter d'être moi-même en vie. Je ne puis exprimer ce qui s'ensuivit qu'en disant que le silence même, ce qui en un certain sens témoigne de mon énergie, le silence devint l'élément au sein duquel je vis sa forme disparaître. Je la vis se détourner, comme j'aurais pu voir faire au misérable à qui elle avait apparu, au reçu d'un ordre, je la vis, mes yeux attachés sur le dos ignoble qu'aucune gibbosité n'aurait pu défigurer davantage, je la vis passer tout le long de l'escalier et gagner l'ombre dans laquelle le tournant se perdait. Chapitre 11. Je demeurai quelque temps en haut de l'escalier et peu à peu pénétra dans mon intelligence la notion que, mon visiteur étant parti, il n'était réellement plus là. Puis je retournai dans ma chambre. La première chose qui frappa à ma vue, à la lumière de la bougie que j'avais laissée allumée, fut que le petit lit de Flora était vide, et ceci me coupa net la respiration et me frappa de toute la terreur que, 5 minutes auparavant, j'avais réussi à maîtriser. Je bondis là où je l'avais laissé coucher, le petit couvre-pied de soie et les draps étaient dérangés, les rideaux blancs avaient été soigneusement tirés dans le but de me tromper. Au bruit de mes pas, quel inexprimable soulagement! Un autre bruit répondit. Je remarquai que le store de la fenêtre muet et l'enfant, baissé comme pour jouer, émergea toute rose de l'autre côté. Elle se tenait là, avec sa toute petite chemise de nuit et sa très grande candeur. Ses pieds étaient roses et ses cheveux d'or brillants. Elle avait un air intensément grave et jamais encore je n'avais ressenti de telle façon l'impression de perdre un avantage récemment acquis, cet avantage dont le frisson vainqueur avait été si prodigieux, que lorsque j'eus compris qu'elle m'adressait ce reproche. « Méchante que vous êtes, où avez-vous été ?» Au lieu d'accuser son indiscipline, c'était moi qui me trouvais sur la sellette et qui donnais des explications. D'ailleurs, ses propres explications à ce sujet étaient pleines de la simplicité la plus charmante et la plus animée. Elle s'était soudainement rendue compte que je n'étais plus là et avait sauté de son lit pour voir ce que j'étais devenue. Saisi de joie en la revoyant, je tombai sur une chaise, sentant pour la première fois un peu de faiblesse, et elle courut gentiment jusqu'à moi, grimpant sur mes genoux, livrant à peine lumière de la bougie, son merveilleux petit visage encore gonflé de sommeil. Je me vois fermant les yeux un instant, exprès, volontairement, devant l'excès de beauté que me versaient ses prunelles bleues. « Vous cherchiez à me voir à travers la fenêtre, dis-je ? Vous pensiez que je me promenais dans le jardin ? Eh bien, vous savez, je pensais qu'il y avait quelqu'un. » Elle me décocha cette phrase toute souriante sans broncher. Ah, comme je la regardais. « Et avez-vous vu quelqu'un ?»« Ah non, répliqua-t-elle. » Privilège de l'inconséquence enfantine, elle semblait en être presque fâchée, bien qu'à sa légère accentuation du non se mêla une douceur prolongée. À ce moment, et dans son état nerveux, j'étais convaincue qu'elle mentait, et je fermai les yeux de nouveau dans mon trouble d'avoir à choisir parmi les trois ou quatre réponses qui me venaient à l'esprit. L'une me tenta un instant, avec une force si singulière que pour y résister je serrai ma petite fille d'une étreinte furieuse qu'elle subit d'une façon surprenante sans un cri ou un signe de frayeur. Pourquoi ne pas m'expliquer avec elle et en finir? Pourquoi ne pas lui lancer tout en plein visage le ravissant et lumineux petit visage? Vous voyez, vous ne pouvez nier que vous voyez, vous soupçonnez déjà que je le crois. Alors pourquoi ne pas vous confesser franchement, de sorte qu'au moins nous puissions porter le secret ensemble, et peut-être, dans l'étrangeté de notre destin, découvrir où nous en sommes et ce que cela signifie ? Hélas, cette sollicitation tomba comme elle était venue. Si j'y avais immédiatement succombé, eh bien, je me serais épargné ce que vous verrez. Au lieu de succomber, je sautai de nouveau sur mes pieds, regardez son lit et m'engager dans un lamentable juste milieu. « Pourquoi avez-vous tiré les rideaux pour me faire croire que vous étiez encore là ?» Flora réfléchit candidement, puis avec son divin petit sourire. « Parce que je n'aime pas vous faire peur. »« Mais si, selon votre idée, j'étais sortie. » Elle refusa absolument de se laisser troubler. Elle regardait la flamme de la bougie comme si la question était aussi hors de propos, ou tout au moins aussi impersonnel que de savoir quoi mettre au corbillon ou combien font 9 fois 9. « Oh » répondit-elle enfin, avec un bon sens inattaquable, « vous savez bien que vous pouviez revenir d'un moment à l'autre, ma bonne, et c'est ce que vous avez fait. » Et peu après, lorsqu'elle se fut recouchée, je dus, pour lui donner la preuve de l'utilité de mon retour, demeurer longtemps assise presque sur elle, en lui tenant la main. Vous pouvez vous représenter ce que furent mes nuits à partir de ce jour. Il m'arrivait fréquemment de rester debout jusqu'à je ne sais quelle heure. Je saisissais les moments où l'enfant dormait, à n'en point douter, pour me glisser dehors et parcourir silencieusement le corridor. J'allais même jusqu'à l'endroit où j'avais rencontré Kint la dernière fois. Mais je ne l'y rencontrai plus jamais, et aussi bien je pus dire tout de suite que je ne le vis plus jamais dans la maison. Je faillis cependant rencontrer sur l'escalier une autre aventure. Il m'arriva une fois, tandis que d'en haut, j'y plongeais mes regards, de reconnaître la présence d'une femme, assise sur l'une des dernières marches. Elle me tournait le dos, son corps plié en deux, et sa tête dans ses mains avait l'attitude de la douleur. Je n'étais là que depuis un instant, quand elle disparut sans me regarder. Malgré cela, je savais exactement quel affreux visage elle aurait pu montrer, et je me demandais si, me trouvant au-dessous d'elle, au lieu d'être au-dessus, j'aurais marché à sa rencontre avec le même sang-froid que j'avais déployé dernièrement envers Kint. Ah, les occasions de montrer son sang-froid ne manquaient pas. La 11e nuit, après ma rencontre avec ce monsieur, je l'ai compté maintenant, j'eus une alerte qui faillit dépasser mes forces. Ce fut vraiment, par sa qualité particulièrement d'inattendue, le bouleversement le plus violent que j'eusse encore éprouvé. C'était justement la première nuit de cette période où, lassé de mes veilles répétées, j'avais cru qu'il m'était loisible de me coucher à mon ancienne heure sans être taxé de négligence. Je dormis immédiatement, et ainsi que je le sus plus tard, jusqu'à 1 heure environ. Mais, après m'être réveillé, je m'assis soudainement sur mon lit, aussi éveillée que si quelqu'un était venu me secouer. J'avais laissé une lumière allumée Elle était éteinte, et je sentis en moi la certitude que c'était Flora qui l'avait soufflée. Cela me jeta en bas de mon lit, et dans l'obscurité, j'allai droit jusqu'au sien. Je m'aperçus qu'elle l'avait quitté. Un regard vers la fenêtre m'éclaira davantage, et une allumette que je frottai compléta le tableau. L'enfant s'était levé une fois de plus, cette fois-ci, en soufflant la lumière, et de nouveau, soit pour regarder quelque chose, soit pour répondre à quelqu'un, s'était blotti sous le store et guettait dans la nuit. Qu'elle fût maintenant en train de voir quelque chose, ce qui n'avait pas eu lieu la dernière fois, je m'en étais assuré, me fut prouvé par le fait que rien ne la dérangea, ni la lumière que j'avais rallumée, ni les mouvements précipités avec lesquels je passais mes pantoufles et m'enveloppais d'un manteau. Cachée, protégée, absorbée, elle s'appuyait évidemment sur le rebord de la fenêtre, laquelle s'ouvrait en dehors et se livrait tout entière. Une grande lune paisible lui venait en aide et s'avait été une raison de plus pour hâter ma décision. Elle était face à face avec l'apparition que nous avions rencontrée près du lac et pouvait communiquer avec elle comme elle n'avait alors pas pu le faire. Quant à moi, il me fallait maintenant atteindre à travers le corridor, sans déranger l'enfant, une autre fenêtre avec la même vue. Je gagnai la porte sans être entendu, je sortis, la fermai, et de l'autre côté, j'écoutai si quelque son se faisait entendre. Tandis que j'étais là dans le couloir, mes yeux tombèrent sur la porte de son frère, qui n'était qu'à 10 pas, et qui, d'une manière inexprimable, éveillait de nouveau en moi cette étrange impulsion que j'ai appelée ma tentation. Qu'arriverait-il si j'entrais tout droit et allais à sa fenêtre à lui? Si, me risquant à dévoiler le motif de ma conduite à sa stupéfaction de gamin, je me trouvais jeté le lasso de mon audace à travers le reste du mystère. J'étais possédé de cette idée au point de m'avancer jusqu'à son seuil. Là, je m'arrêtai de nouveau. L'oreille tendue à l'extrême limite de mes forces, je me figurais des choses prodigieuses. Je me demandais si son lit aussi était vide et lui aussi secrètement au guet. Cela dura une minute silencieuse et profonde, à l'expiration de laquelle l'impulsion m'avait abandonné. Il était tranquille, il pouvait être innocent. Le risque était monstrueux, je me détournai. Oui, certes, il y avait une figure au milieu des parterres, une figure qui rôdait pour obtenir un regard, un visiteur auquel Flora répondait. Mais ce visiteur n'avait pas affaire à mon garçon. De nouveau, j'hésitai, mais pour d'autres raisons, et seulement quelques secondes. Mon choix était fait. Les chambres vides ne manquaient pas à Bligh. Toute la question était de choisir la bonne. Tout à coup, je me rendis compte que la meilleure était la chambre d'en bas, encore assez élevée au-dessus des jardins et située dans cet angle massif de la maison que j'ai déjà désigné sous le nom de vieille tour. C'était une grande chambre carrée, meublée avec pompe en chambre à coucher, que ses dimensions extravagantes rendaient si incommode qu'on ne l'avait pas occupée depuis des années, mais toujours entretenue par Mrs. Groves, elle était dans un ordre merveilleux. Je l'avais souvent admirée, et j'en connaissais la disposition. Après avoir dominé la petite angoisse qui me causa la première bouffée d'air froid, je traversai la chambre abandonnée pour aller tout tranquillement déverrouiller l'un des volets intérieurs. Cela fait, je relevai le store sur la vitre sans bruit, et y appliquant mon visage, il me fut facile, l'obscurité de dehors étant beaucoup moins profonde que celle de la chambre, de constater que la place était bien choisie. Ensuite, je vis quelque chose de plus. La lune rendait la nuit extraordinairement claire et me laissa voir, sur la pelouse, une personne, diminuée par l'éloignement, qui se tenait immobile et comme fascinée, regardant le coin où j'étais apparu, et non pas tant vers moi que vers quelque chose qui, apparemment, était au-dessus de moi. Il était clair que quelqu'un était là, quelqu'un sur la tour. Mais la présence sur la pelouse n'était pas le moins du monde celle que j'avais soupçonnée, et à la rencontre de laquelle je me précipitais avec une telle certitude. Cette présence sur la pelouse, je me sentis défaillir à le constater. C'était le malheureux petit Miles lui-même. Chapitre 12. Ce ne fut que tard dans la journée du lendemain que je parlai à Mrs. Groves, car le soin que je mettais à ne pas perdre mes élèves de vue me rendait difficile les entretiens privés avec elle. D'autant plus que chacune de nous sentait la nécessité de ne provoquer, tant chez les domestiques que chez les enfants, aucun soupçon d'une secrète agitation ou de la poursuite d'un mystère. Rien que son aspect paisible me donnait une grande sécurité à ce sujet. Son visage reposé ne révélait rien à personne de mes horribles confidences. Elle me croyait complètement, j'en étais sûre. Si elle ne l'eût fait, je ne sais ce que je serais devenue, car je n'aurais pu, seule, supporter une telle épreuve. Mais elle rendait un magnifique témoignage à cette bénédiction qu'est l'absence d'imagination, et ne voyant dans les enfants que leur charme et leur beauté, leur aspect heureux et leur intelligence, les causes de mon souci ne lui étaient pas directement sensibles. Si la moindre trace d'abattement ou de flétrissure se fût révélée chez les petits, sans doute son trouble eût égalé le leur, en sachant la source malsaine. Mais dans l'état actuel des choses, je sentais, tandis qu'elle les surveillait, ses gros bras blancs croisés et la sérénité répandue sur toute sa personne, qu'elle remerciait le Seigneur de ce que, ses trésors fussent-ils en miettes, les morceaux au moins en seraient encore bons. La flamme de la fantaisie se transformait chez elle en un paisible feu de foyer, et je commençais à m'apercevoir qu'à mesure que le temps marchait sans nouvel accident, croissait en elle la conviction que nos jeunes oiseaux étaient bien capables de se tirer d'affaire tout seuls, et sa majeure sollicitude s'appliquait au triste cas de leurs mandataires et gardiennes. C'était pour moi une réelle simplification. Je pouvais bien m'engager à ce que mon visage ne révélât rien, mais ça aurait été un gros souci de plus que d'avoir à me préoccuper du sien. À l'heure dont je parle, cédant à mes instances, elle m'avait rejointe sur la terrasse où, dans cette saison plus avancée, le soleil était maintenant agréable et nous y étions assises ensemble, tandis que devant nous, à une certaine distance cependant, et à portée de notre voix, les enfants allaient et venaient d'une humeur si facile. Ils marchaient lentement à l'unisson l'un de l'autre sur la pelouse qui s'étendait à nos pieds, lui lisant tout haut un livre de contes, un bras autour de sa sœur, comme pour l'avoir bien à soi. Mrs. Gauze les observait avec une placidité sincère. Mais je perçus chez elle, bien que réprimée, cette inclinaison mentale avec laquelle elle se penchait vers moi pour obtenir une vue de l'envers de la tapisserie. J'avais fait d'elle le réceptacle des choses à faire frémir, mais sa connaissance bizarre de ma supériorité, tant à cause de mes talents qu'à cause de ma situation, se révélait dans la patience qu'elle témoignait à ma peine. Elle présentait proprement son esprit à mes confidences, comme si, eussé-je désiré composer un bouillon de sorcière et le lui offrir avec assurance, elle m'eût tendu une belle saucière blanche. Telle elle était, exactement, quand dans mon récit des événements de la nuit, j'en arrivais à la réponse que m'avait fait Miles, lorsqu'après l'avoir vue à une heure aussi phénoménale, au lieu même où, pour ainsi dire, il était actuellement, j'étais descendu le chercher. Je m'étais décidé à prendre ce moyen plutôt qu'un autre plus brillant, mettant au-dessus de tout la nécessité de n'alarmer personne de la maison. Je lui avais déjà laissé entendre mon peu d'espoir d'arriver, en dépit de sa réelle sympathie, à lui faire saisir mon impression devant la magnifique inspiration avec laquelle, lorsque nous fûmes rentrés à la maison, le gamin a accueilli mon défi, enfin nettement articulé. Aussitôt que j'étais apparu au clair de lune, sur la terrasse, il s'était avancé vers moi sans hésiter. Je lui avais pris la main sans rien dire, je l'avais mené à travers l'obscurité, le long de cet escalier où Kint avait rôdé, tout affamé de sa présence, le long du couloir où j'avais écouté et tremblé, et ainsi jusqu'à sa chambre désertée. Pas un son, chemin faisant, n'avait été proféré par aucun de nous, et je m'interrogeais, ô combien je me dévorais, pour savoir si dans son effrayant petit esprit, il cherchait une explication qui fût plausible et pas trop grotesque. Cela lui donnerait du mal, certainement, et cette fois-ci, à l'idée de son réel embarras, un frémissement de triomphe courut dans mes membres. Le piège était habilement tendu à un gibier jusqu'ici vainqueur. Il ne pourrait plus affecter cette parfaite correction, ni même s'y essayer. Alors comment diable allait-il se tirer de là? À la vérité, en même temps que la pulsation passionnée de cette question, battait aussi dans mes veines la silencieuse angoisse de savoir comment diable je ferais moi aussi. Je me trouvais enfin affronté dans toute sa rigueur le risque que comportait, même encore maintenant, l'exécution de ma propre partie. De fait, je me rappelle que, tandis que nous pénétrions dans sa petite chambre, dont le lit n'était pas défait et où la fenêtre ouverte laissant librement passer les rayons de la lune, rendait la chambre si claire qu'il était inutile de frotter une allumette. Je me rappelle comment, subitement, je défaillis et me laissai tomber sur le bord du lit, vaincu par cette idée qu'il devait savoir maintenant combien vraiment il m'avait tué, comme on dit. Armé de sa vie intelligente, il ferait tout ce qu'il voudrait aussi longtemps que je continuerai de soutenir cette vieille tradition de la culpabilité des maîtres de l'enfance qui entretiennent des terreurs et des superstitions. Oui, il me tenait, on pouvait le dire, et dans un étau. Car qui m'absoudrait jamais, qui me sauverait de la corde, si par la plus légère allusion, j'introduisais, la première, un événement aussi atroce dans nos relations si normales. Non, non, vraiment, il était inutile d'essayer de faire entendre Mrs. Groves, presque autant que d'essayer de le traduire ici. Combien, pendant notre duel rapide et amer, là dans le noir, il éveilla en moi presque de l'admiration. Je fus naturellement pleine de douceur et de bonté. Jamais encore mes mains ne s'étaient posées avec autant de tendresse sur ses jeunes épaules, tandis que je m'appuyais à son lit. Je n'avais pas d'autre alternative que de lui poser la question, lui en poser une au moins. « Il faut me parler maintenant, me dire la vérité. Pourquoi êtes-vous sorti? Et que faisiez-vous dehors ?» Je vois encore son étonnant sourire, le blanc de ses yeux magnifiques et l'éclat de ses dents briller dans le demi-jour. « Si je vous le dis, comprendrez-vous ?» Mon cœur me battait dans la gorge. Allait-il me dire le pourquoi ? La voix me manqua pour l'empresser, et je me rendis compte que ma seule réponse fut un vague et grimacement hochement de tête. Il était la douleur même, et tandis que je me tenais devant lui, en continuant ce malheureux hochement, il semblait plus que jamais un jeune prince de conte de fées. Oui, ce fut sa sérénité qui me donna du répit. Si vraiment il s'apprêtait à me faire sa confession, en aurait-il montré une pareille ? « Eh bien, dit-il, tout exprès pour que vous fassiez ça. Que, pour changer, vous pensiez du mal de moi. Jamais je n'oublierai la gentillesse, la gaieté avec laquelle il prononça ces mots, ni comment, pour les couronner, il se pencha et m'embrassa. Et ce fut la fin de tout. Je lui rendis son baiser, et tandis que je le serrais dans mes bras, il me fallut un effort prodigieux pour ne pas pleurer. Il me rendait compte de sa conduite exactement de la façon qui me permettait le moins du monde de lui en demander davantage, et je ne fis que confirmer mon acquiescement à ses paroles lorsque, ayant jeté un coup d'œil dans la chambre, je lui demandai « Alors vous ne vous étiez pas déshabillé ?» Je puis dire que littéralement à ce moment, il étincela dans la pénombre. « Pas du tout, je veillais et je lisais. » « Et quand êtes-vous descendu ?»« À minuit. » « Ah, quand je me mêle d'être mauvais, j'y vais franchement. »« je vois, c'est tout à fait charmant, mais comment pouviez-vous être sûr que je le saurais ?»« Oh, j'avais tout arrangé avec Flora. » Ces réponses m'arrivaient avec une prestesse. Elle devait se lever et regarder par la fenêtre. Et c'est ce qu'elle fit. C'est moi qui tombais dans le piège. Ainsi, elle vous a tracassé, et pour voir ce qu'elle regardait, vous avez regardé aussi, et vous avez vu. « Tandis que vous, répliquai-je, vous attrapiez la mort à être dehors en pleine nuit. » Il s'épanouissait tellement devant la réussite de son exploit qu'il pouvait bien se permettre d'en tomber radieusement d'accord. « Sans cela, demanda-t-il, aurais-je été aussi méchant que je le désirais ?» Et après un nouvel embrassement, l'incident, comme notre colloque, furent clos sur ma reconnaissance formelle de toutes les réserves de sagesse qu'il avait dû amasser pour se permettre une pareille plaisanterie.